Hey yo, la basse résonne sans cesse, elle en danse tout comme Stromae. Le rap est en détresse et moi franchement ça me fait trop mal. Voir il se baisse que je le teste, no mic, là ma caisse me fait comprendre que je peux rapper même si j'ai pas d'une de vos tests. Ça fait longtemps que je lâche tout, pas pour les mecs qui se rassent tout, mais pour les mecs d'une autre époque, génération rap fou. C'est pour les mecs sur le terrain qui souhaitent vraiment faire des tacs. Bah ouais, pour vous public, Rudy assure le spectacle. Yo, la basse résonne sans cesse, elle en danse comme Stromae. Le rap est en détresse et moi franchement ça me fait trop mal. C'est pour ceux qui pensent que Mike, je le manie mal, ou pour ceux qui pensent savoir l'instinct d'un animal. C'est pour ceux qui demandent des sous mais qui jamais les restituent, ou pour ceux qui aiment que le meilleur et qui s'en foutent du reste qui pue. C'est pour ce monde synonyme avec putain de dawa, où les péchés ne se font plus rares mais se palpent pas avec les doigts. Encore une écriture aux allures désespérées, un nouveau ruisseau de mots qui noiera peut-être mes pensées. 23 ans mélancolique, mes rêves sont toujours pas nés, car l'amour parental pointe toujours pas le bout de son nez. Mais je reste fier et droit dans ce monde qui est étroit, sans peupler d'âme des gassons, de rêves brisés, de manque de foi. Mec, la vie ce n'est qu'une peste et pour ça d'ici se pète les plombs. Hardcore sans beaucoup de gestes, tu sais que pour rien on te plombe. Eh, hey, tu te prends pour un bad boy mais ça tu le dis bien trop boy. C'est la jungle pas le Far West, arrête de faire ton cowboy. Bah ouais, ce monde est sale malgré ses strass, c'est un putain de dawa, où les péchés ne se font plus rares mais se palpent pas avec les doigts. Regarde, on se tout seul entre rire et larmes, adepte du grand écart. La qualité en moi, je n'ai plus peur de dire quand je m'égare. Comment relever la tête, mes épaules plus assez larges. Y'a plus de bassin de regard, moi j'en ai passé l'âge. Rap du premier de la classe qu'a connu la déchéance, en dépression, angoisse, une maladie sans échéance. Je reviens des flammes là où les rêves font vite, où les réveils sont gris, où les plaies se réouvrent. Aristide, j'ai touché le bas depuis j'écris des chansons tristes, c'est pour l'équipe collage à droite de la maison grise. J'ai capacité non exploitée sur les bulletins scolaires, bac en poche pour ma mère dans les profs d'un connard. J'expire ma haine au mic, mais sauce la verdure. Quand tu perds du kilo, tu sais que quelque chose te perturbe. C'est pour les miens, ceux que j'estime, c'est pour mes partenaires. J'ai un timbre dont y'a tout que je veux pas retenir. Ça les fasse conditionner par notre regard sur le monde. Pas besoin d'auditionner si tu connais notre vision du monde. Le constat est le même, malgré les années qui changent. J'ai trop d'âmes qui chantent sans être des phénomènes. Moi je me tais, j'observe, je veux pas finir sur le toit du monde. Comme Rastaman et son bobsleigh, quitte à chuter, faut se relever sans honte. On est que de passage, comme un ministre dans un gouvernement. Pas besoin de caricature, on se fout ta gueule ouvertement. Le monde est sale, la corruption est trop présente. Trop de va pour que je puisse croire en l'innocence d'un beau présent. Du mal à être exemplaire, mais je te promets de faire des efforts, de ne jamais me laisser faire. Et peu importe qui paraisse fort, la vie est un pari, moi je ferme les yeux pour m'y voir. Le bonheur est une côte d'enfer, comme pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai qu'une seule vision, comme l'œil du cyclope, toujours l'œil du cyclone. En attendant que le beat stoppe.